La salle à manger. Maître André, Clavaroche, Fortunio et Jacqueline à table. On en est au dessert. Clavaroche. Allons, monsieur Fortunio. Servez donc à boire à madame. Fortunio. De tout mon cœur, monsieur le capitaine. Et je bois à votre santé. Clavaroche. Fi donc, vous n'êtes pas galant. À la santé de votre voisine. Maître André. Eh oui, à la santé de ma femme. Je suis enchanté, capitaine, que vous trouviez ce vin de votre goût. Il chante. Allons, buvons, buvons sans cesse. Clavaroche. Cette chanson-là est trop vieille. Chantez donc, monsieur Fortunio. Fortunio. Si madame veut l'ordonner. Maître André. Hé hé, le garçon, c'est son monde. Jacqueline. Eh bien, chantez, je vous en prie. Clavaroche. Un instant. Avant de chanter, mangez un peu de ce biscuit. Cela vous ouvrira la voie et vous donnera du montant. Maître André. Le capitaine a le mot pour rire. Fortunio. Je vous remercie. Cela m'étoufferait. Clavaroche. Bon, bon. Demandez à madame de vous en donner un morceau. Je suis sûr que de sa blanche main, cela vous paraîtra léger. Regardant sous la table. Au ciel, que vois-je? Vos pieds sur le carreau. Souffrez, madame, qu'on vous apporte un coussin. Fortunio se levant. En voilà un sous cette chaise. Il le place sous les pieds de Jacqueline. Clavaroche. À la bonne heure, monsieur Fortunio. Je pensais que vous m'eussiez laissé faire. Un jeune homme qui fait sa cour ne doit pas permettre qu'on le prévienne. Maître André. Oh, le garçon ira loin. Il n'y a qu'à lui dire un mot. Clavaroche. Maintenant donc, chantez, s'il vous plaît. Nous écoutons de toutes nos oreilles. Fortunio. Je n'ose, devant des connaisseurs. Je ne sais pas de chanson de table. Clavaroche. Puisque madame l'a ordonné, vous ne pouvez vous en dispenser. Fortunio. Je ferai donc comme je pourrai. Clavaroche. N'avez-vous pas encore, monsieur Fortunio, adressé de vers à madame? Voyez, l'occasion se présente. Maître André. Silence, silence! Laissez-le chanter. Clavaroche. Une chanson d'amour, surtout. N'est-il pas vrai, monsieur Fortunio? Pas autre chose, je vous en conjure. Madame, priez-le, s'il vous plaît, qu'il nous chante une chanson d'amour. On ne saurait vivre sans cela. Jacqueline. Je vous en prie, Fortunio. Fortunio chante. Si vous croyez que je vais dire qui j'ose aimer, je ne saurais pour un empire vous la nommer. Nous allons chanter à la ronde, si vous voulez, que je l'adore et qu'elle est blonde comme les blés. Je fais ce que sa fantaisie veut m'ordonner, et je puis, s'il lui faut ma vie, la lui donner. Du mal qu'une amour ignorée nous fait souffrir, j'emporte l'âme déchirée jusqu'à mourir. Mais j'aime trop pour que je dis qui j'ose aimer, et je veux mourir pour mamie sans la nommer. Maître André. En vérité, le petit gaillard est amoureux comme il le dit. Il en a les larmes aux yeux. Allons, garçon, bois pour te remettre. C'est quelque grisette de la ville qui t'aura fait ce méchant cadeau-là. Clavaroche. Je ne crois pas, monsieur Fortunio, l'ambition est si roturière. Sa chanson vaut mieux qu'une grisette. Qu'en dit madame, et quel est son avis? Jacqueline. Très bien. Donnez-moi le bras, et allons prendre le café. Clavaroche. Vite, monsieur Fortunio. Offrez votre bras à madame. Jacqueline prend le bras de Fortunio, bas en sortant. Avez-vous fait ma commission? Fortunio. Oui, madame, tout est dans l'étude. Jacqueline. Allez m'attendre dans ma chambre. Je vous y rejoins dans un instant. Ils sortent.